J'pousse le pied quand chante comme Johnny Hallyday. J'ai nickel game text cru sur du caribé. 4 joints de bœuf s'allument sur les Champs-Élysées. J'ai bon me faire les yeux doux, j't'ai pas validé. Les Smiths sont rentrés pour la coffre, j'ai flippé. Ticket à 100 millions de vues, j'ai pas clippé. J'ai fait le tri autour de moi, y'a plus de fuiteur. Ça croise maintenant, ça fait un doigt, délit de fuiteur. J'ai fait des tours, j'ai vu des tours dans ma ville. Des mecs qui prennent des cours, qui deviennent fous dans la vie. Y'a trop de différents, beaucoup de fierté dans la zone. En concert, toujours cette boule avant de monter sur la scène. Pareil que t'as pris des ailes depuis que tu t'en mets dans le zen. C'est tous critiqués pour ça qu'on peut plus dire qu'on s'aime. J'mets des marques, 10 000 d'épée sur le maillot. J'attends pas le jour de l'an pour me mettre d'ailleurs. Avec mes gars, on cheese. Pour faire le vide, on se raconte nos vies. Ça parle de grimper dans le vise. Alors ça veut des sous, alors ça veut des armes. Mais me dis pas qui sont. Alors ça veut des sous, alors ça veut des armes. Mais me dis pas qui sont.